Petit, petit, allez, viens ici. Côte, côte, côte, côte, côte, côte. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, j'appelle la poule. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle une poule. Parce que toi, tu sais comment on fait peut-être. Ce que je sais, c'est que c'est pas comme ça. Ben alors montre-moi. Je n'ai pas besoin de te montrer. Tu n'es qu'une poule mouillée. N'importe quoi. Oh attends, maintenant je sais comment on appelle une poule. Scootaloo. Scoot scootaloo. C'est tellement drôle que j'ai oublié de rire. C'était une pouliche orange comme les oranges. Elle admirait Rainbow Dash et sa tirange. Elle s'est pas volée avec ses ailes. Mais je veux vous dire comment elle s'appelle. Scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo, scootaloo. Elle pilote une trottinette avec des roues. Elle tape sur des tambours comme un fou. Les cuties marquisateurs sont leur mascotte. C'est pas une pouliche, c'est une cocotte. Les jours de pluie, ça fait une belle poule mouillée aussi. Répétons en cœur ce petit quadrille.